Lâche-moi, laisse-moi faire. Tout ce que je veux faire, c'est faire. Marcher les affaires, faire. Tourner la VR, frère. Je veux demander au maire pourquoi c'est l'enfer. Et au commissaire à quoi il sert. C'est vrai que tout ça c'est pas très clair. Car dans chaque affaire, y'a de la bavure dans l'air. Moi je comprends pas, ici j'ai pas ma place. Pourtant ça manque pas d'espace, quoi, qu'est-ce qu'il y a. Tu veux que je taille, mais où que j'aille. Dans ce monde ça se va en freestyle. J'arrive en force, tel un Delta Force. Dangereux et féroce, comme une mine qu'on amorce. Dur comme la roche, je bouscule le boss. Je l'amoche, l'embroche et lui laisse des bosses. Je lâche tout, je trace tout, quand je m'énerve, je casse tout. Je prends des coups de partout, je suis à bout mais je reste debout. Je deviens fou, car mon avenir devient flou. J'en viens de demander la chance, mais putain t'es où. Les riches s'enrichissent, c'est la merde, c'est pour nous. J'en ai marre, c'est quoi ce vice. Le mal est devenu banal, ça m'a rendu malade. Et ouais fils, le triple 6 tire les ficelles. La vie n'est pas belle, pour ce qu'on sert, c'est qu'on incarcère. J'ai l'habitude de sauter vers bas, mais pas. Une séance d'écriture pour mon peura. C'est pour ceux qui écoutent, perdus dans leurs doutes, sur la mauvaise route. Réussir ou mourir, tout détruire pour survivre. Si on veut tous s'enfuir, on veut s'en sortir sans mentir. Et pour l'instant on est en train d'en pâtir, d'en souffrir en perdant le sourire. Je serai pas le premier à pouvoir mourir pour en finir. J'arrive en force, tel un Delta Force. Dangereux et féroce comme une mine qu'on amorce. Dur comme la roche, je bouscule le boss. Je l'amoche, l'embroche et lui lève des bosses. J'ose mettre le feu que ça explose. Je te mets en stress jusqu'à la psychose. Pour moi la vie c'est pas rose, plutôt morose. Alors je pose des textes avec ma science de la prose. Sans faire de pause, sans chercher la cause. Je m'impose comme un canon en manque de sa dose. Et ouais la donne est faussée. J'arrive en force car je veux pas finir dans le fossé. À contempler les dégâts qu'on m'a causés. Je passe à l'action, fais attention. Je veux ma ration. Tu veux mes empreintes, mon ADN. Écarte les fesses, je te les ramène. J'ai vu les cadavres dans la scène. Je me suis dit qu'il y a un problème. Alors j'exprime ma haine, pas moyen que je me taise. Je nique la politique, la république. Et je crache sur Sarko en public. J'arrive en force, tel un Delta Force. Dangereux et féroce comme une mine qu'on amorce. Dur comme la roche, je bouscule le boss. Je l'amoche, l'embroche et lui laisse des bosses.